tocam agora as melhores músicas em inglês. Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique à l'idée d'être de trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère, elle a peur, peur pour son derrière. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Elle flippe qu'on ne l'aime plus. Elle balise de s'aimer un jour. Sa pressure, sa latue, sa lessive dans son temps. Avoir de la bidoche, ni se laisser des poils sous les aisselles. Elle panique, elle panique. Fous-moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche et je ne veux plus t'écouter. Je me sens toute démantelée. Sur moi tes questions ricochent. Inutile de te fatiguer. Elle panique. Elle panique. Elle panique. Elle panique. Elle Oh, Ouça bem, esteja com a Antena Web. Staring, you wouldn't believe that this girl was mine. I said they do that? Zoom in business, selling loads. Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.info. I hardly Quise hablar contigo y Antena Web. Sintoniza-te. Sounds like the car.